Emma descendit la première, puis Félicité, sa servante, Monsieur Lheureux, une nourrice, et l'homme fut obligé de réveiller Charles dans son coin, où il s'était endormi complètement dès que la nuit était venue. Homais se présenta. Il offrit ses hommages à madame, ses civilités à monsieur, dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services, et ajouta, d'un air cordial, qu'il avait osé s'inviter lui-même, sa femme d'ailleurs étant absente. Madame Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s'approcha de la cheminée. Du bout de ses deux doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et, l'ayant ainsi remontée jusqu'aux chevilles, elle tendit à la flamme, par-dessus le gigot qui tournait, son pied, chaussé d'une bottine noire. De l'autre côté de la cheminée, un jeune homme à chevelure blonde la regardait silencieusement. Comme il s'ennuyait beaucoup à Yonville, où il était clerc, chez maître Guillaumin, souvent M. Léon Dupuis, c'était lui, le second habitué du Lion d'Or, reculait l'instant de son repas, espérant qu'il viendrait quelque voyageur à l'auberge, avec qui causer dans la soirée. Les jours que sa besogne était finie, il lui fallait bien, faute de savoir que faire, arriver à l'heure exacte et subir, depuis la soupe jusqu'au fromage, le tête-à-tête de Binet. Ce fut donc avec joie qu'il accepta la proposition de l'hôtesse de dîner en la compagnie des nouveaux venus, et l'on passa dans la grande salle où Madame Lefrançois, par pompe, avait fait dresser les quatre couverts. Homais demanda la permission de garder son bonnet grec, de peur des coryza, terme savant pour dire rhume. Puis, se tournant vers sa voisine, « Madame, sans doute, est un peu lasse. On y est si épouvantablement cahoté dans notre hirondelle. »« Il est vrai, » répondit Emma, « mais le dérangement m'amuse toujours. J'aime à changer de place. »« C'est une chose si maussade, » soupira le clerc, « que de vivre cloué au même endroit. »« Si vous étiez comme moi, » dit Charles, « sans cesse obligé d'être à cheval. »« Mais, » reprit Léon, s'adressant à Madame Bovary, « rien n'est plus agréable, il me semble. »« Quand on le peut, » ajouta-t-il. « Du reste, » disait l'apothicaire, « l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible dans nos contrées, car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet, et, généralement, l'on paie assez bien, les cultivateurs étant aisés. »« Ah, vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary, bien des entêtements de routine où se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science, car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, aux curés, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le climat, pourtant, n'est point, à vrai dire, mauvais, et même nous comptons, dans la commune, quelques nonagénaires. » Avec force avant des explications, Homais explique ensuite la relative douceur de ce climat.